Après s'être douté d'une liaison entre Julien et la comtesse de Fourville, Jeanne découvrit ensuite avec stupéfaction, en veillant sa mère morte, qu'elle avait eu, comme amant, le grand ami de son père, un certain Paul, dont la femme était la meilleure amie de sa propre mère.